Elle est jeune, elle est jolie. Ah ouais, elle est jolie. Connue des tauliers. Dans la journée, elle fait ses deux points comiques. Tout le monde est choqué de ses formes. Elle a abandonné sa tenue d'écolière. Bien informée pour le bif. Elle est formée pour le kiff. T'en as connu sûrement des centaines avant elle. Mais tu sais que son boule fait la diff. Y'a que Versace dans son armoire. Les clés du Merco sous la poitrine. Elle croit en l'oseille, pas au karma. Cocaïne est comme Carmen. Elle côtoie les grands messieurs. Grand monsieur, gramme de 16. Drôle de cercle, drôle de fête. Soirée mondaine, haute sphère dans les meilleurs hôtels. J'vois rien d'autre, elle est sur mes côtes, côtes, côtes. Cousine mais stop, stop, stop. On t'ouvre toutes les portes, portes, portes. Dans les vides et les Porsche, Porsche, Porsche. Cousine mais stop, stop, stop. Tu fais du squat, squat, squat. Pour être au top, top, top. Cousin j'veux mon escort, score, score. Elle va péter les scores, score, score. Elle m'ouvre les portes, portes, portes. Vu qu'elle est trop bonne, bonne, bonne. Cousin j'veux mon escort, score, score. Elle va péter les scores, score, score. Elle m'ouvre les portes, portes, portes. Vu qu'elle est trop bonne, bonne, bonne. On est jeune, on est déter. Jeune, on est déter. Personne nous éteint. On marche en bande et les balances on fait taire. Crois-moi que personne nous fait peur. Je récupère tout ce que le passé m'a fait perdre. Chargez le M16 dans les 4 tours. 4 sarrasins dans le M4. Triple homicide, il est 4 heures. Mon escorte esquive les patrouilles. Claque des sommes qui nous mènent à la commission rogatoire. Jamais claquer des fesses, toujours fermer sa gueule. Bon baveux pour l'interrogatoire. Hein? Jamais claquer des fesses, toujours fermer sa gueule. Bon baveux pour l'interrogatoire. J'veux rien d'autre, elle est sur mes côtes, côtes, côtes. Cousine mais stop, stop, stop. On t'ouvre toutes les portes, portes, portes. Dans les VIP et les Porsche, Porsche, Porsche. Cousine mais stop, stop, stop. Tu fais du squat, squat, squat. Pour être top, top, top. Cousin j'veux mon escort, score, score. Elle va péter les scores, score, score. Elle m'ouvre les portes, portes, portes. Vu qu'elle est trop bonne, bonne, bonne. Cousin j'veux mon escort, score, score. Elle va péter les scores, score, score. Elle m'ouvre les portes, portes, portes. Vu qu'elle est trop bonne, bonne, bonne.